Les amis du grain des mots. Des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des lecteurs, des lectrices, des rencontres et des livres, les amis du grain des mots. Et c'est parti pour une nouvelle saison avec les amis du grain des mots, avec toujours fidèle Pierre-Jean pour la technique qui nous met en onde. Et puis avec moi au micro aujourd'hui, Françoise Jarousse. Bonjour Françoise. Bonjour Marc. Bonjour Pierre-Jean aussi quand même. Bonjour Pierre-Jean. Juste mentionner le nom. Et puis Marco Sorgin, donc, qui est en train de vous causer. Alors, nous sommes en pleine rentrée. Alors, vous savez, là, il y a la rentrée scolaire, ça, vous savez ce que c'est. Puis les lecteurs connaissent aussi, et les libraires connaissent quelque chose qui est assez terrifiant, peut-être encore plus qu'une rentrée scolaire, c'est la rentrée littéraire. C'est des livres, des nouveaux romans, un peu plus de 500 encore cette année. C'est impressionnant. Oui. Hein, donc, ça paraît qu'ils sortent entre fin juillet et octobre. Donc on ne sait plus où donner de la tête, c'est terrible. Alors notre table, elle est un petit peu à l'image de la rentrée littéraire, ça déborde de partout, les piles sont fragiles, et on va essayer de vous parler d'un certain nombre de choses qui pour nous surnagent dans la rentrée littéraire. Alors la rentrée littéraire, c'est après les vacances, donc c'est aussi avant une rentrée, en petite rentrée on va dire, puisque beaucoup de nos collègues prolongent leurs vacances. Il y a eu les vacances, puis on a fait un certain nombre de choses. Vous savez, la période des vacances pour les lecteurs, elle est précieuse. C'est le moment où on lit ce qu'on n'a pas eu le temps de lire dans l'année. On essaye de se rattraper, vite. On se dit, enfin, je vais avoir le temps de lire tel roman, et puis tel autre, et puis tel autre. Mais en fait, il y en a tellement qu'il y en aura toujours qui vont rester sur la touche. Et puis, on commence à voir les nouveautés de la rentrée littéraire qui apparaissent. Les unes plus aguichantes que les autres, et puis alors on essaye de partager entre nouveautés et ouvrages du fond, comme on dit, ou nouveautés de l'année dernière. Des fois, on peut avoir un ou deux ans de retard sur les nouveautés. Alors, nous sommes allés, en ce premier week-end de septembre, à un festival du livre fort sympathique, qui est le festival du livre de Collioure. Alors, Collioure, vous connaissez, peut-être. Hein, lieu magique. Hein, magnifique petit port des Pyrénées-Orientales, hein, qui a une histoire parfois un peu sombre, hein, puisque ça a été quand même un des lieux où les immigrés espagnols, à l'issue de la guerre, ont pourri, on pourrait dire. On les a mis à pourrir sur des plages, hein, notamment à Collioure. Mais là, c'est un festival. Alors cette année, il y a toujours une thématique pour le festival de Collioure. Cette année, c'était... les écrivains, l'Europe des écrivains. Hein, on avait eu il y a quelques années les femmes de la Méditerranée, on avait eu Parole de Suédois, et puis cette année, donc, l'Europe des écrivains. Alors, avec plusieurs écrivains de nationalités différentes, un Albanais qui écrit en grec et qui a émigré aux États-Unis maintenant, un Hollandais qui pratique, qui a vécu autant en France qu'en Hollande et qui voyage à travers le monde, une Française qui fait de la bande dessinée, une Allemande qui a vécu en Israël, en France, en Allemagne aussi quand même un petit peu, et qui est romancière, et puis un auteur que nous avions reçu ici, qui est un catalan qui écrit en castillan, c'est pas anodin de le dire, il le revendique, Arroz Sainz de la Massa. Alors, on ne va pas trop parler d'Arroz Sainz de la Massa, juste rappeler ces deux romans, peut-être, Françoise. Oui, le Bourreau de Gaudi, hein, le premier traduit, hein, qui est un superbe roman baroque sur Barcelone, et le second, dont j'ai oublié le titre, Les muselés, en français. En espagnol, El Angulo Muerto. Voilà. pour le premier, et enfin pour le second, et le premier c'est l'assassino de la Pedrera. Et le second se passe aussi à Barcelone sur fond de crise économique et humaine, nous dirons. Voilà. Et puis, c'est avec un personnage central, Milo Malard. Enfin, nous avions reçu ici même Haro, qui nous en avait parlé longuement. Le troisième de la série des enquêtes de Milo Malard est sur le point d'être terminé. Haro nous a confié à Collioure qu'il avait un petit peu de mal à le finir et qu'il ne tenait pas les délais que son éditeur attendait. Pour l'instant, pas de titre. Lorsque je lui ai demandé, il m'a dit « ce sera Milo 13, Milo 3 », parce que le titre risque encore de changer. Alors, une auteure de BD, on va vous parler rapidement de chacun de ces auteurs. Une auteure de BD, Laureline Mathiussi. Une jeune auteure de BD qui a écrit de la BD à la fois féministe, et sur ses premiers opus, dont le titre, j'ai du mal avec les titres, décidément aujourd'hui. Les deux premiers titres, il y a deux albums, donc oui. L'île au poulailler. Ah, voilà, L'île au poulailler. Et puis après, il y a eu La Lionne. Voilà, qui se passe dans la Rome de Pétrone. Avec le personnage de Catulle, le poète Catulle, qui est un personnage central. Ce qui est étonnant donc, pour une bande dessinée, on va chercher un poète latin. Oui, et qui, a priori, est assez jouissif, d'après ce qu'elle nous en a dit. Et puis, un roman graphique qui s'appelle « Je viens de m'échapper du ciel », très beau titre, et qui est inspiré de contes de Carlos Salem, qui est un auteur de polar noir que Marc connaît bien, assez déjanté. Alors, on le connaît surtout en France pour le polar, effectivement, pour ses polars qui sont publiés chez Actes Sud. Je regardais, en Espagne, il est aussi, et en Amérique du Sud, puisqu'il est argentin, il est aussi connu pour sa poésie, que pour ses nouvelles, ou cuentos, on dirait, là-bas, que pour ses romans. Alors qu'ici, chez nous, la poésie, on la connaît très peu, voire pas du tout. On ne la connaît pas, elle n'a pas été traduite et elle n'est même pas diffusée en espagnol. Alors, ce roman graphique, c'est vraiment l'univers de Carlos Salem, un univers à la fois sombre et onirique, complètement déjanté, avec un personnage qui est amoureux d'une certaine Lola, qu'il rêve. Alors, il erre dans une ville incertaine. Il n'ose pas déclarer sa flamme à Lola et il s'échappe de la réalité pour la rêver. Et il fait des rencontres improbables dans ses rêves. Il participe à des braquages complètement délirants. Et c'est un monde, moi qui ne suis absolument pas amateur de bande, ni de bande dessinée, ni de roman graphique, j'ai été vraiment bluffée par celui-là, parce que on est vraiment accroché par ce monde féerique, et qui est extrêmement bien servi par le dessin en noir et blanc de Laureline Mathiussi. Voilà, c'est un noir et blanc radical, il n'y a pas de gris, c'est noir, blanc, point. Oui, et elle accompagne vraiment cet univers d'une façon, je trouvais, extraordinaire. Et c'est assez réjouissant ce qu'elle fait. Elle-même, c'est une jeune femme extrêmement positive, extrêmement souriante, qui a envie de partager ce qu'elle fait. Et à travers ses dessins, elle nous entraîne vraiment dans le monde de Carlos Salem. Alors un très beau travail. Et puis c'est vrai que Laureline est quelqu'un d'attachant. On a pu voir qu'il y a quelque chose de lumineux, d'enthousiaste, et qu'il y a un rire assez extraordinaire. Tous ceux qui l'ont entendu s'en rappellent. Moi j'ai envie de dire, c'est m'a bluffé aussi sur cette bande dessinée. C'est le sens du rythme qu'elle peut avoir. C'est-à-dire qu'elle sait composer une planche, il y a du rythme, il y a des plages de silence, il y a des plages Il y a un bruit extraordinaire, mais, sans, mais quand je dis un bruit extraordinaire, c'est pas, vous savez, les blam, boum, poc écrits dans tous les sens. Non, non, c'est le dessin qui est bruyant lui-même. C'est assez, effectivement, assez bluffant. Jeune femme qui, a tout, qui 30, va avoir 40 ans. Oui, 38 ans, je crois. Elle a 39, là, 39. En ce moment. Ouais. Voilà, alors, c'est sorti pour « Je viens m'échapper, de m'échapper du ciel », c'est sorti, n'importe quoi. C'est sorti, ça y est, j'ai réussi à le dire. Chez Casterman, c'est 2016, en 2016, voilà. Ce n'est pas la dernière actualité, mais quelque chose à découvrir. Voilà. Un autre auteur dont on peut parler, je vais vous parler, moi, un tout petit peu, de cet auteur albanais qui écrit en grec, Gazmend Kaplani. Alors, ce n'est pas un prénom et un nom très courant, c'est albanais. Alors, ça ne se prononce pas comme ça, mais je ne vais pas essayer de vous donner la prononciation albanaise que l'auteur m'a donnée. Je risque de ne pas y arriver correctement. Gazmend Kaplani, il est né en Albanie, sous le régime de la dictature, on peut dire, une dictature communiste pro-chinoise, très fortement pro-chinoise, qui a été un des pays les plus fermés au monde, complètement coupé de l'extérieur. L'international communiste, pour eux, là-bas, c'était très nationaliste, en fait. C'était très fermé sur soi. Et puis le régime s'est effondré petit à petit. En 91, ouverture des frontières. Beaucoup d'Albanais émigrent. Gazmend Kaplani est de ceux-là. Et il va arriver en Grèce. Et c'est les trois romans, qui ont récits plutôt que romans, qui ont été publiés... en français, par un petit éditeur bien courageux et bien intéressant qui s'appelle Intervalle, raconte cette immigration. Alors, il n'y a pas juste le récit plus ou moins autobiographique du narrateur, c'est entrecoupé aussi de récits d'autres immigrés, de voix d'autres immigrés qui sont arrivés en Grèce. Ben oui, en Grèce, il y a des immigrés qui ne sont pas qu'albanais. Il y a d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, comme on dit. Il y a le reste des Balkans aussi. Bon, voilà, c'est avec beaucoup de misère, beaucoup de difficultés. Et il va nous raconter avec une sensibilité, une justesse, la réalité de cette immigration. Hein, à travers, on a trois volumes. Le premier qui raconte vraiment les premiers temps de l'arrivée en Grèce, qui est « Petit journal de bord des frontières ». Il explique notamment que lui, il développe un syndrome des frontières, un petit peu, à force, tellement il en a traversé. Et puis, ça a été « Je m'appelle Europe », qui raconte un peu son intégration progressive en Grèce. Et puis, la dernière page, où il s'écarte un peu plus du côté de la fiction, toujours très inspiré de son expérience personnelle, on le voit bien, qui est, la réussite d'un immigré en Grèce. Voilà. Gazmend Kaplani, Petit journal de bord des frontières, Je m'appelle Aurore, la dernière page aux éditions Intervalle. les amateurs du Duke Ellington ont reconnu un thème célèbre, Caravane. Caravane, mais alors là, c'est joué par un pianiste d'un autre style, Thelonious Monk. On est en juillet 1955, et à la contrebasse, Oscar Pettiford, excusez du peu, et à la batterie, Kenny Clarke, excusez du peu, de nouveau. Caravane. Alors, nous étions à Collioure et nous y retournons brièvement pour parler de deux autres des auteurs qu'on a pu rencontrer là-bas. Donc, une auteure allemande, Gila Lustiger. Vous pouvez l'écrire comme Lustiger, comme le cardinal, qui est un lointain parent de l'auteur. Auteur allemande qui a beaucoup voyagé, qui est née en Allemagne, à Francfort, et puis qui est parti en Israël, et puis qui est revenu en Allemagne, et puis maintenant vit en France. Elle vit à Paris. Voilà, elle vit à Paris. Alors, qui a sorti, il n'y a pas très longtemps, c'était sorti, je crois, début 2017, un roman chez Actes Sud, non, c'était en septembre 2016, au dépôt légal, pardon. Donc, fin 2016. Un roman chez Actes Sud qui s'appelle Les Insatiables. Alors, il y a toujours Actes Sud a je dirais, la manie de traduire les titres différemment de l'original. Le titre original était intéressant parce que ça s'appelait La faute des autres. Alors, qu'est-ce que c'est que cette faute des autres ou ces insatiables? C'est un roman qui est une enquête en même temps dans le. Alors, c'est une enquête dans le monde des enquêtes, puisque le personnage central est un journaliste d'investigation qui va enquêter sur une affaire, un scandale dans l'industrie pharmaceutique. Un scandale qui a été soigneusement tu. Ça commence par une personne qu'on signale, un décès qu'on signale, et puis c'est destiné à faire juste un entrefilet. Et puis le journaliste, Marc Rapaport, lui, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Donc il ne veut pas en faire juste quelques lignes quelque part dans le journal, mais il va en faire un sujet un peu plus poussé. Et puis il va avancer dans cette enquête, il va avancer dans cette enquête, et il va découvrir un sacré poteau rose d'empoisonnement d'ouvriers par des substances illicites, on pourrait dire, repérées comme dangereuses. Parenthèse, toute ressemblance avec des événements réels n'est pas fortuite, car ça relève bien de scandales qui ont eu lieu dans l'industrie chimique et pharmaceutique en France. Voilà. Alors, un roman très bien écrit. Alors, Gila Lustiger, ce n'est pas une habituée du polar. Elle n'a pas vocation à écrire du polar. Elle a écrit diverses choses, y compris des livres pour la jeunesse. Alors, il y a un autre livre que j'ai découvert à l'occasion, parce que là, on vous parle de nos découvertes, en fait, puisque on ne les aurait peut-être pas lues s'il n'y avait pas eu le festival de Collioure. Un livre qui s'appelle « Nous sommes », qui a été publié chez Stock il y a quelques années, où elle raconte l'histoire de sa famille. Alors, c'est assez extraordinaire, l'histoire de cette famille, puisque son grand-père et sa grand-mère étaient en Israël au moment de la création de l'État d'Israël. Même avant, ils y étaient avant, et puis ils ont été là en 48 quand Ben Gourion a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël. Son grand-père y assiste, sa grand-mère, non, elle est restée à la maison. Sa mère y était, mais ce qui la préoccupait, c'était d'avoir sa poupée, parce qu'elle a des discours quand on est une gamine, voilà. Donc ça ramène la grande histoire à la petite histoire. Et à comment les grands événements, on les vit des fois sans s'en rendre compte. Et il y a toute cette idée qui court le roman, en fait, que l'histoire, avec un grand H, c'est bon pour les livres. Dans la réalité, elle a toujours un petit H. Même lorsqu'il s'agit de la Shoah, même lorsqu'il s'agit de la fondation de l'État d'Israël. Donc, une belle leçon, je dirais, de la part de Gila Lustiger. Ça remet un peu les choses en place. Ce qui n'empêche pas que nous avons pu la voir à Collioure. Elle a des convictions, ô combien, et qu'il y a des choses absolument scandaleuses qui se passent dans la petite ou la grande histoire et qu'elle n'hésite pas à le dire. Oui, à le dénoncer de façon extrêmement claire. C'est quelqu'un de très engagé et qui a une parole Une parole forte, très, très claire, tout à fait convaincante. et je dirais qu'il n'est pas polémique, c'est dit voilà, le réel, il est là. Et du coup, voilà comment ça fonctionne, quoi. Donc, voilà, avec Ghazvan Kaplani aussi, sur les questions d'immigration, l'un et l'autre avaient bien des choses à dire et à nous rappeler la réalité, non pas de la des politiques d'immigration, mais la réalité que vivent les immigrés. Absolument. Et leur parole à tous les deux, qui haïssent les frontières, hein, est très importante actuellement, hein, où on essaie, au contraire, semble-t-il, hein, quelquefois, de remettre des frontières, hein, alors que peut-être qu'il faudrait s'en méfier de toutes ces frontières, ô combien. Et puis alors, le dernier auteur qu'on a vu, alors qui n'est pas... C'est un petit peu particulier, c'est pas un auteur littéraire, on va dire. Il n'écrit pas du polar, il n'écrit pas de roman, il n'écrit pas de nouvelles, il n'écrit pas de théâtre. Mais qu'est-ce qu'il écrit, alors? C'est que le festival de Collioure, c'est un festival qui est au bord de la mer. Donc, il y a toujours une petite vocation à avoir un invité très concerné par la question de la mer. Oui, et puis d'autant que l'organisateur, Gildas Giraudeau, est passionné. Est passionné par la mer et la plongée. Voilà. Donc, nous avions un plongeur émérite. Alors, s'il y a... qui écoutent cette émission, des gens qui pratiquent la plongée, peut-être que le nom leur dira quelque chose. C'est l'auteur de ce qu'on a appelé dans le monde de la plongée les Weinberg, c'est-à-dire les guides que Steven Weinberg a écrit sur la plongée en Méditerranée et dans d'autres régions. Il a aussi écrit une histoire de la plongée qui est, j'ai feuilleté ça, c'est fort intéressant parce que c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, histoire de la photographie sous-marine, surtout plus que de la plongée. C'est aussi un photographe, c'est aussi un voyageur, donc quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui s'est découvert un énorme plaisir à publier des livres. Il raconte ça dans son autobiographie qui s'appelle « Eau de vie, amoureux de la mer », où il nous dit, voilà, il nous raconte un peu tout ça. Et puis, c'est un photographe. Alors, un photographe qui a eu un père photographe et plongeur, mais qui n'a pas fait de photographie sous-marine. Et c'est un photographe d'un indéniable talent. Alors, il y a un magnifique livre qui est sorti récemment. Les éditions, c'est Topus. Je crois que c'est la maison d'édition que... a plus ou moins créé Steven Weinberg lui-même. Donc avec des photos d'Edgar, le père, et Steven Weinberg, le fils, qui sont assez extraordinaires, enfin de très très belles photos. Alors notamment, c'est un spécialiste de la macrophotographie sous-marine. Ouh là là, que c'est spécialisé cette affaire-là. Bon, sous-marine, c'est sous l'eau, macrophotographie. On prend des toutes petites choses de très près et on les agrandit démesurément. Et il y a des choses étonnantes, mais il y a aussi des portraits, des paysages, des photos nues. J'aurais envie de vous dire, c'est un beau livre, ce qu'on appelle un beau livre. C'est un bel objet. Oui. Un bel objet. Les fêtes vont bientôt s'annoncer. On a encore le temps, encore dans quelques mois. Oui, c'est le genre de livre qui fait un beau cadeau. Voilà. Ça, c'était le festival de Collioure, je crois. Alors, je ne vais pas oublier, dans les principaux invités, il y avait beaucoup de monde par ailleurs. Alors, nous allons aborder maintenant quelque chose qui est un petit peu affolant, qui est la rentrée littéraire. Mon Dieu. Alors, par quoi allons-nous commencer? Peut-être par un ouvrage que tu as lu récemment, enfin que tu as lu pour la rentrée spécialement, un ouvrage d'un auteur péruvien, voilà, qui s'appelle Renato Cisneros. Voilà. Alors je crois qu'il faut attention Renato Cisneros parce qu'il y a aussi un Antonio Cisneros qui est poète péruvien aussi, donc faut pas mélanger. Donc Renato Cisneros pour La distance qui nous sépare, hein, puisque le titre de la traduction française qui vient de paraître est le même que le titre original, hein, puisque c'est un roman qui date de 2015. Hein. D'accord. Voilà. Alors là, quelque chose qui a été traduit, qui est récemment, la traduction a rapidement suivi. Oui. Et c'est un auteur qui a eu 41 ans. qui vit à Madrid actuellement, qui est né à Lima et qui a publié d'autres romans avant celui-ci. Hein. Il a publié de la poésie. Il a été un blogueur très célèbre à Lima. Et son premier ouvrage de prose, ça a été un peu la traduction de ce qu'il avait publié sur son blog. Ça n'a pas été traduit en français, ça s'appelle « Je cherche une fiancée », « Busco novia ». Ça date de 2008. Il a ensuite écrit « Jamais, il ne faut jamais me faire confiance », qui n'a pas été traduit, 2010. Un qui s'appelle « Étrange » en 2012, et puis en 2015, « La distance qui nous sépare ». Donc un écrivain qui n'est pas un débutant, n'est pas dans un premier roman ou... Ce n'est pas un débutant, c'est un journaliste qui fait également de la télévision. Et puis ce n'est pas quelqu'un d'inconnu au Pérou, parce qu'il est le fils de quelqu'un qui a marqué l'histoire du Pérou, qui est un général qui est mort en 1995 et qui a fait partie de deux gouvernements du Pérou entre 1980 et 1990. Le général Cisneros Vizquera, qui était surnommé le Gaucho. Parce qu'il avait passé son enfance à Buenos Aires. Alors, quand j'ai terminé ce livre, j'ai pensé à une chanson de Maxime Le Forestier qui est « On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille », parce qu'il a une hérédité, Renato Cisneros, qui est extrêmement chargée. L'un de ses bisaïeuls était un curé qui a eu 6 enfants. À la fin du 19e siècle, ça démarre assez fort. Son grand-père, qui était journaliste et poète, a entretenu 2 familles en même temps. Et il a eu également 6 enfants. Et son père a eu une première famille dont il a eu 3 enfants. Et puis, il a vécu avec donc la mère de Renato. Et il a eu également 3 enfants. Donc une famille un petit peu compliquée. Et un père, personnage public, général extrêmement rigide, qui pourtant, quand il était enfant, voulait être danseur ou musicien. Mais qui a été envoyé à l'école parce que son père le trouvait trop introverti, envoyé à l'école militaire de Buenos Aires, où il a eu la chance, avec beaucoup de guillemets, d'avoir pour condisciple un certain Videla, qui a sévi en Argentine. Le nom n'est pas totalement inconnu. Et puis il n'était pas le seul. Il y a d'autres militaires qui ont sévi et qui ont été les condisciples. D'autres dignitaires du régime, comme on dit. Et le père donc de Renato Cisneros est resté fidèle à ses amitiés de jeunesse. Donc un personnage sulfureux et une hérédité extrêmement lourde à porter pour lui. Alors pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre? Il le dit de façon très claire. Tout d'abord, il dit que ce qui a été l'élément déclenchant, c'est la lecture de Paul Auster. En 2008, il a découvert Paul Auster et notamment l'un de ses livres qui a été important pour lui, qui est L'invention de la solitude. À partir de là, il a lu tout Paul Auster et il a lu également La lettre à mon père de Kafka. Ça a été les deux ouvrages qui ont été l'élément déclenchant. Alors, ce qu'il a voulu faire, c'est retrouver ce père, dire tout son parcours, sans fioriture, de façon extrêmement claire, pour essayer de comprendre son père et pour arriver à se comprendre lui-même. Et c'est exactement la démarche de tout le roman, et c'est quelque chose de passionnant, parce qu'on découvre une personnalité, enfin, deux personnalités, celle du père et celle du fils, et on découvre également toute une partie de l'histoire du Pérou, qui est une histoire extrêmement mouvementée et douloureuse. Voilà, donc une entrée très personnelle en même temps, oui, sur l'histoire du Pérou, oui, et qui touche à quelque chose de plus universel, on pourrait dire. Oui. Alors, un autre roman qui va, à partir d'une expérience personnelle, va toucher à de l'universel, on va en parler tout à l'heure, on vous l'annonce déjà parce que c'est quelque chose, c'est un de ces romans de la rentrée qui vient de paraître, et qui est en train, comme on dit couramment, de faire le buzz. C'est-à-dire qu'on en parle de plus en plus. Toutes les personnes qui le lisent, qui l'ont lu, sont scotchées, si je puis dire. Un livre avec un titre bizarre dont on parlera après une petite pause musicale. Le livre que je ne voulais pas écrire, d'Erwan Lareur. Musique tranquille et pleine de bienveillance, si je puis dire. Deux grands trombonistes, Kay Winding, et puis surtout J.J. Johnson, grand tromboniste du bop. Le thème, c'est Georgia on My Mind, que Ray Charles a rendu très célèbre, entre autres. Et puis, y a quand même un pianiste qui accompagne ces deux messieurs qui s'appelle Bill Evans. Rien que ça. Et nous sommes en novembre 1960. Alors, nous étions en train de parler de Renato Cisneros. Un petit détail avant de passer à Erwan Lareur, c'est que pour les Montpelliérains et Sétois qui nous entendent, il sera à Sète très prochainement. Oui, il sera à Sète le dimanche 11 octobre dans le cadre du festival Salsa. Salsa, c'est une organisation qui se dédie à la civilisation, littérature, musique sud-américaine. Et donc, il viendra parler de son livre « La distance qui nous sépare ». Alors voilà, vous voyez, c'est une émission de rentrée, donc beaucoup de titres. J'espère que vous aviez pris un papier, un crayon pour tout noter au passage. Donc maintenant, on va parler de « Le livre que je ne voulais pas écrire » d'Erwan Lareur, publié aux éditions Kidam. J'ai envie de souligner parce que c'est un éditeur qui fait un travail remarquable depuis plusieurs années, et j'ai envie de dire de plus en plus remarquable. Alors, qui est Erwan Lareur ? C'est possible que vous ne le connaissiez pas, c'était pas forcément un écrivain très connu. C'est son sixième titre, je crois, ce livre, cinquième ou sixième titre. Il y a eu des volumes chez... Sixième. C'est le sixième, voilà. Hein. Il y a eu publié chez Michalon, un éditeur assez peu connu, et puis chez Plon. Et puis, il avait déjà... Non, justement, il n'avait pas encore publié un autre livre chez Kidam, avec un titre assez cocasse. Tu peux nous le donner, Françoise ? Marguerite n'aime pas ses fesses. Marguerite n'aime pas ses fesses. Donc, il était en train de finaliser ce manuscrit. Il se trouve qu'Erwan Darrer est aussi un grand amateur de rock. Il a commencé sa carrière dans la musique. Et puis, il a basculé dans l'écriture. Mais il continuait à aller à des concerts de rock. Et puis, il est allé à un concert de rock à Paris, le 13 novembre 2015, au Bataclan. Mm-hmm. Donc, il a été pris dans cet événement dramatique. Il a été blessé. Et une mauvaise blessure. Et il n'a... C'est pour ça qu'il ne voulait pas l'écrire, ce livre. Il n'avait pas envie d'écrire là-dessus. Et puis, poussé par des amis, avec un sens, je dirais, de la responsabilité, disant, en tant qu'écrivain, je ne peux peut-être pas faire comme si ça n'avait pas existé. Alors, il a fini de publier, il a fini son manuscrit d'abord, dans le titre qu'on vient de citer. Zut, j'ai oublié le prénom. Qui n'aimait pas ses fesses. Ah, Marguerite. Marguerite n'aime pas ses fesses, voilà. Ça a été publié chez Kidam. Et puis, il arrive avec cette rentrée, avec le livre que je ne voulais pas écrire. Tu peux en dire un peu plus sur oui. Tous ceux qui l'ont lu, j'en suis, et nous en sommes. Et, oui. Alors, voilà, comme je disais tout à l'heure, on était un peu scotchés. Quoi. Ah oui, c'est un livre extrêmement fort. Alors moi, je suis en cours de lecture, hein, mais ce que j'ai lu déjà... je sais que c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Hein. Ça fait partie des livres... c'est un choc. Hein. Et c'est un choc non pas seulement hein, par le contenu, mais surtout aussi par l'écriture, hein, par la façon dont c'est écrit. Il n'y a aucun pathos. Hein. D'ailleurs, il dit à un moment qu'il ne veut pas écrire sur les attentats du Bataclan, mais il va écrire autour. Et je vais lire juste phrase. Hein. Écrire parce que tu n'as pas le choix, porté par une force qui te dépasse, autour parce que tu es romancier et non chroniqueur, parce que tu ne peux façonner un texte qu'en appétant faire littérature, ni témoignage, ni récit. Donc, inventer autre chose, forme, langue, creuser, avoir l'audace de t'autoriser à mentir, même par omission. S'il s'agit de mettre de l'ordre dans tes souvenirs, très peu pour toi. Tu aimes imaginer. D'ailleurs, chaque fois que tu veux rendre par écrit un événement, une bouchée de réel, que tu cherches l'exactitude, tu te perds. Voilà. Et c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va faire, voilà, ce qu'il dit un petit peu plus loin, il va faire un objet littéraire. Mais un objet littéraire, pas une coquille vide. Hein, quelque chose qui est humain. Il fait intervenir un certain nombre de personnes. Hein, il donne la parole de son entourage. On a des éclairages extrêmement différents. Il se met dans la peau des auteurs de l'attentat. D'un des terroristes, voilà, hein, qui était à côté de lui. Absolument. Vu de très près. Donc. Et tout ça, on prend des espèces des gifles, hein, les unes après les autres, et c'est très bien écrit, c'est très fort, ça n'est pas, il n'y a aucun sentimentalisme, enfin c'est... Je crois, oui, c'est important de dire, quand on dit un choc, tout d'un coup, je me disais, ça faisait penser à ce vieux slogan, c'était Paris Match, je crois, qui avait le poids des mots, le choc des photos... Oui. Mmh. Là, j'ai envie de dire, c'est le choc des mots, oui. Et sans aucun sensationnalisme. Voilà. Il n'y a pas de sensationnel. Mmh. C'est pas, ne vous attendez pas à quelque chose de gore ou à le récit minute par minute des attentats. Non. C'est quelque chose de beaucoup plus humble et de beaucoup plus profond, de beaucoup plus humain. Mmh. Hein, il raconte sa peur à lui, sans honte. Il raconte la peur de... qu'il suppose ou qu'il ressent chez un des terroristes. Il raconte aussi l'impuissance d'un homme, alors on ne sait pas s'il est du RAID ou du GIGN, mais qui était là, qui intervenait, mais qui ne pouvait pas bouger parce que l'intervention n'était pas terminée et qui voyait des blessés et des morts en pagaille autour de lui qui ne pouvaient rien faire. Et qui en pleurait. Il voyait ce regard désespéré de cet homme pourtant rompu à tout. C'est le regard des soignants. Il dit les vrais héros, ce sont eux. C'est tous ces soignants qui n'ont pas le temps de s'attarder, qui lâchent un mot, un autre, et puis ceci, cela. Et puis c'est quand tu dis autour, oui, c'est vraiment autour. C'est-à-dire que c'est pas que son histoire à lui. Cette histoire le déborde complètement. Et c'est tous ses amis qui se sont inquiétés pour lui, qui l'ont soutenu après. Et il n'arrête pas de dire qu'il a eu une chance extraordinaire, bon, celle de survivre, parce qu'il y a eu beaucoup de victimes, mais d'avoir été entouré pour remonter la pente, guérir physiquement, psychiquement, et ainsi de suite. Et il n'y a jamais de plainte. Jamais. Jamais de plainte. Donc c'est un livre vraiment d'une humanité extraordinaire. Je n'aime pas utiliser le superlatif, mais là c'est difficile. Sinon, le langage va nous faire défaut. Oui. On est obligé d'y venir. Un livre vraiment à lire à tout prix, si je puis dire, et dont on sort. Alors, on pourrait faire les jeux de mots. Lui dit que c'est le livre qu'il ne voulait pas écrire. Moi, je n'irais pas à dire que c'est le livre que je ne voulais pas lire. Je dirais que c'est le livre que je ne m'attendais pas à lire. Ça, c'est sûr, oui. C'est l'éditeur qui m'a titillé. Connaissant cet éditeur, je me suis fié à lui, je suis allé voir. Ouf. Ah oui. Voilà, c'est le meilleur résumé que je peux donner du livre. Et, donc, oui. Et moi, j'avoue que je suis étonnée que dans les premières listes parues dans les journaux, il ne figure pas partout. Hein. Oui, on peut se dire... Alors, il est nominé nulle part, peut-être parce que ce n'est pas le genre de livre qu'on va nominer ou récompenser. Mais je pense que la plus grande récompense, ce sera les lecteurs qui lui attribueront, en s'en rappelant, comme tu dis, c'est le genre de livre qu'on n'oublie pas. Oui, je vois que sur les réseaux sociaux, enfin, les gens qui s'intéressent à la littérature en parlent et le font lire. Et le font lire, et on en parle de plus en plus. Je dis, il y a vraiment comme on dit aujourd'hui, un buzz qui se développe autour de ce livre et qui est très, très, très, très, très largement mérité. Ah oui. Ô combien. Voilà, Erwan Lahreur, le livre que je ne voulais pas écrire aux éditions Kidam, et c'est disponible depuis quelques jours dans toutes les librairies de France et de Navarre. How about you? Comment vas-tu? Comment ça va pour toi? C'est sans doute la question qu'Erwan Larreur posait à ses amis plutôt que de se soucier de lui-même. Bon, là, c'est un titre, un morceau de jazz. On s'est beaucoup intéressé, vous savez, les amis du Grand Démo se sont beaucoup intéressés à la littérature haïtienne l'année dernière. Voilà. C'est un pianiste haïtien, c'est Alain Jean-Marie, avec un contrebassiste assez connu, mais au nom si compliqué que généralement on dit que les initiales NHOP, Niels Henning Ørsted Pedersen. Voilà, hein, grand contrebassiste qui n'est pas cubain comme son nom le laisse entendre, qui serait plutôt danois, je crois, il me semble. Voilà. C'était enregistré en décembre 87. Voilà, How About You, Alain Jean-Marie et NHOP. Alors, vous êtes sur Radio Clapas 93.5, parce que tout d'un coup, je suis en train de voir que dans le studio, il y a une énorme affiche, il faut le dire toutes les 15 minutes, et puis j'ai oublié. Voilà, donc nous sommes bien sur Radio Clapas 93.5, et vous êtes avec les amis du Grain des Mots, Marco Sorghin au micro en ce moment, accompagnant Françoise Jarousse, et avec la mise en onde de Pierre Urgent. Alors, des événements. Allez, faut pas oublier, des événements. On vous a parlé de beaucoup de titres, on va encore en mentionner quelques-uns. Préparez votre papier, votre stylo. Des événements. Les amis du Grain des Mots, c'est aussi la librairie Le Grain des Mots. La librairie Le Grain des Mots qui aime bien recevoir des écrivains. La saison va commencer le 26 septembre, le mardi 26 septembre à 19h, où vous pourrez rencontrer à la librairie l'écrivain Joël Baquet pour son nouveau roman « La fonte des glaces » publié aux éditions POL. Nous avons aussi rappelé dans les événements 7, oui, le 11 octobre. 11 octobre à la médiathèque François Mitterrand, Renato Cisneros viendra présenter « La distance qui nous sépare », son dernier roman. Voilà, et puis nous sommes dans une grande région maintenant, nous sommes dans la région Occitanie. Alors, pour les amateurs de polar, allez, deux rendez-vous dans ce qui était avant la région Midi-Pyrénées. Un premier, début octobre, le 6, 7, 8 octobre à Toulouse, avec Polar du Sud, la 9e édition de Polar du Sud, avec comme toujours beaucoup de beau monde. Là, je recherche les invités. Marcus Malte, entre autres, Carlos Salem, qui est un habitué du lieu, Valerio Varesi, un Italien qui était déjà venu l'année dernière et qui est réinvité parce qu'il est lauréat du prix, nominé pour le prix Violetta Negra, qui est le prix que décerne le festival. Bon, plein d'auteurs avec plein de nationalités différentes. Argentine, José Muñoz, Carlos Salem, de Belgique, Barbara Abel, deux Québécois, André Michaud, une Québécoise, André Michaud, et puis un Québécois, Patrick Sénécal. Pour les Espagnols, on aura Andreu Martín, qu'on a pu rencontrer à la Comédie du Livre. À la Comédie du Livre et au FIR d'à Frontignan, il y était aussi, et Agustin Martinez. Des Italiens, donc je vais citer Valerio Varesi, mais aussi Carlo Lucarelli. Giancarlo De Cataldo, qui était venu à Montpellier il y a quelques années aussi pour la Comédie du Livre. Un Péruvien. On était avec un autre auteur péruvien, Santiago Roncagliolo. Ah oui. N'est-ce pas? Ça te donne envie d'aller faire un tour. Hein, dont on avait pu un roman connu qui s'appelle Avril Rouge, j'ai bonne Avril mémoire. Avril Rouge qui parle du sentier lumineux, oui. Voilà. Et puis plein d'auteurs français, enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup de bon monde. Donc Toulouse, Polar du Sud, les 6, 7, 8 octobre prochains. Et puis pour les amateurs de polar espagnol, où est-ce que je l'ai noté, il y a un autre festival. Et écoutez, zut, excusez-moi, je ne retrouve plus où je l'ai noté. Donc je vous en parlerai une prochaine fois, parce que c'est fin octobre, il y a plusieurs auteurs espagnols, dont quelqu'un que nous aimons bien autour de ces micros, qui est Hannibal Malvar, qui viendra dans le Tarn. Alors, et puis, plein de livres qui sortent, alors on va vous en signaler quand même quelques-uns, comme ça que nous on a repéré. Je parlais d'Haïti. James Noël, poète haïtien, qui a fait beaucoup ces dernières années pour diffuser la poésie haïtienne en France, pas que la sienne, mais qui a dirigé une anthologie, qui dirige aussi une magnifique revue qui s'appelle Intranquillité. Et puis il a fait diriger une anthologie de la poésie haïtienne contemporaine. Et puis qui va sortir son premier roman. Je crois qu'il est déjà en librairie. Il me semble que c'était le 24 août que ça devait sortir en librairie. Qui s'appelle Belle Merveille. Moi, c'est en cours de lecture. Ça parle de l'événement qui a beaucoup marqué Haïti, donc le tremblement de terre, séisme terrible en 2010. Avec quelque chose où il y a, je dirais, il y a une espèce de maniérisme vaudouisant, c'est beaucoup d'écrivains haïtiens. Là, il n'est pas trop envahissant. Hein, il y a quelque chose qui est fort réussi, une belle écriture pour raconter cette épreuve et ce cataclysme. Une autre auteure, on va passer à une Écossaise. Jenny Fagan, alors ceux qui ont une bonne mémoire, elle était venue aussi à Montpellier il y a quelques années, à l'occasion de la sortie de son premier roman avec les éditions Métellier, La Sauvage. La Sauvage, qui était le roman racontait l'histoire d'une jeune casse sociale qui est dans une institution très particulière. Et on est dans sa tête et il y a des moments où c'est un petit peu délirant, un peu imaginaire, il y a beaucoup de choses. Un roman coup de poing qui était très très fort. Et puis là, son deuxième roman était sorti il y a quelques temps en Angleterre, on attendait la traduction, ça y est, c'est sorti. Les buveurs de lumière, c'est le titre français, traduction de The Sunlight Pilgrims, les pèlerins du lever de soleil, mot à mot, hein. Alors moi je ne l'ai pas encore lu, je l'avais parcouru en anglais. On est dans quelque chose, on retrouve cette veine un peu fantastique de Jenny Fagan, en même temps un certain sens du réalisme brut, mais avec une couleur science-fiction, on pourrait dire, un petit peu plus appuyée, hein, couleur anticipation fantastique un peu plus appuyée. Voilà, Jenny Fagan. Les buveurs de lumière, si vous avez aimé La Sauvage, guettez ça, trouvez-le dans votre librairie. C'est sorti il y a quelques jours chez Métellier. J'ai encore, voilà, quelques minutes rapides. Allez, pour vous parler de deux derniers, très rapidement. Hein. Alors, Pablo Martín Sánchez. Vous avez pu le voir à la dernière Comédie du Livre, où il était venu avec les éditions La Contralée, où il présentait un exercice oulipien. Friction. Friction, hein, avec le R qui se démarque du reste, un mélange entre fiction et friction, qui nous arrive avec une nouvelle traduction d'un... Alors, récit, roman, c'est difficile à qualifier ce texte, parce que c'est... La narration qui se passe sur 24 heures avec plusieurs voix et plusieurs personnages, dont un chien, et qui, sur le fond, avec une forme, voilà, il y a un travail de la forme cher aux écrivains de l'Oulipo, mais sur le fond, c'est aussi la déception, voire l'amertume de la période de transition de la dictature à la démocratie espagnole. En version originale, ça s'appelait Tuyo es el mañana. Et le titre français, c'est vrai que ce n'est pas évident à traduire, Tuyo es el mañana, parce qu'il y a des accords un peu bizarres. C'est un titre un petit peu tordu. L'instant décisif, qui est, ma foi, un assez bon titre, je trouve aussi. Voilà, L'instant décisif, c'est traduit par Jean-Marie Saint-Luz, c'est de Pablo Martín Sánchez. Et ce sera aux éditions La Contralée. Parce que là, la sortie est prévue le 22 septembre. Le 22 septembre, c'est écrit sur l'épreuve que j'ai entre les mains. Et puis, je terminerai avec un clin d'œil un petit peu personnel à quelqu'un que je connais depuis une trentaine d'années, même si on ne se voit pas très souvent, Jean-Christophe Attias. Alors, le nom vous dit peut-être un petit peu quelque chose. Sa compagne est plus connue... puisqu'elle est sénatrice verte et très... qui n'a pas la langue dans sa poche, Esther Benbassa. Voilà, et donc un intellectuel juif qui est professeur à l'école des hautes études et qui a écrit un récit, après tout un tas d'ouvrages historiques, a écrit un récit un peu autobiographique, un juif de mauvaise foi, avec un bandeau de couverture qui résume bien l'humour de Jean-Christophe. Il ne s'agit pas de savoir si Dieu existe, mais si on peut lui faire confiance. Voilà, ça c'est tout l'humour juif, je dirais, et spécialement celui de Jean-Christophe, à qui j'adresse des fraternelles salutations. Voilà, un juif de mauvaise foi, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès, et c'est en librairie. Voilà, j'espère que vous avez noté tout ça. On parlera d'autres choses une autre fois. Pour aujourd'hui, vous en avez eu assez, je crois. Et on finit en musique. À très bientôt. Et la musique que vous entendez, c'est Orquesta de Tango, avec un certain Juan Cedrón qui dirige cet ensemble. Et c'est du tango, et ce tango s'appelle... Sur. Sur, sud, tout simplement. San Juan y veo en ti, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena. De novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verá como me viera recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas. Y mi amor y tu ventana, todo muerto ya lo sé. San Juan y vuelo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que... Y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me viera recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé.